Le 19 courant, l'Agence télégraphique centrale de Corée a rendu public un acte d'accusation sous le titre « La guerre antiterroriste des États-Unis est un acte terroriste d'État et un crime de guerre anti-humain sans précédent ». En voici le résumé. Plus de 10 ans ont passé depuis le commencement de la guerre antiterroriste par les États-Unis contre le monde entier, sous prétexte de représailles à l'attentat du 11 septembre, comme s'ils étaient protecteurs de la justice. Aujourd'hui, l'humanité voit clairement combien de pays ont été réduits en cendres et combien de gens innocents sont forcés à un destin lamentable dont les troubles causés par la guerre sanglante des États-Unis contre le terrorisme. Cette guerre menée par les États-Unis est un acte terroriste d'État et la guerre d'agression d'une nouvelle variation contre les pays anti-américains en vue de réaliser l'ambition d'hégémonie mondiale des impérialistes. Les États-Unis sont le pire auteur du terrorisme d'État et l'État terroriste sans précédent dans l'histoire humaine. Le pire violateur des droits de l'homme sous le masque de guerre antiterroriste et le pire État criminel des droits de l'homme dans le monde, voilà la nature des États-Unis. L'histoire n'oubliera jamais, malgré le temps, les crimes de la guerre antiterroriste des États-Unis qui ont infligé terriblement à l'humanité la mort, les souffrances et les malheurs. Les peuples progressistes du monde, épris d'indépendance et de paix, sont appelés à s'engager à l'unanimité dans la lutte pour condamner la nature de l'auteur du terrorisme d'État et des crimes de guerre anti-humains ultra-géants et déjouer résolument la stratégie de guerre et celle d'hégémonie mondiale des impérialistes.